vrai, j'aime bien ça. La petite fille 73 a le même visage que dans mes rêves, j'aime bien ça. Elle s'habille toujours de rose ou de blanc, et je la démaquille le soir très souvent, et tant mieux pour moi. Comme elle est jolie sous son parapluie, et c'est bien comme ça. Elle adore aller au cinéma, et surtout quand elle est avec moi. Elle aime bien danser toutes les nuits quand elle a bu un peu de whisky. La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres, et j'aime bien ça. La petite fille 73 est toujours amoureuse quand la nuit s'achève, j'aime bien ça. Elle coiffe ses cheveux, déjà elle s'inquiète, un peu de parfum, elle n'est jamais prête, et tant pis pour moi. Elle est en retard à tous mes rendez-vous, alors ça me rend toujours un peu jaloux. Elle me fait pleurer, elle me fait chanter, c'est bien comme ça. Elle adore tous les jeux dangereux, et surtout quand on est tous les deux. Elle aime bien téléphoner parfois, quand elle s'ennuie un peu trop de moi. La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres, j'aime bien ça. La petite fille 73 a toujours le sourire quand le jour se lève, et j'aime bien ça. Elle sort tous les soirs et rentre à minuit, et même un peu plus tard quand vient le samedi, c'est très bien comme ça. Elle a des photos au mur de sa chambre, elle rêve de moi et on est ensemble. Elle pense à sa vie quand elle sera grande, et c'est bien comme ça. Elle adore aller au cinéma, et surtout quand elle est avec moi.